Je le conçois, je l'admets et je l'accepte. Il faut dans une relation un qui s'agenouille. Mais pourquoi? Et c'est pas que dans ma tête, c'est toujours à moi qu'on vient casser les... Tu m'as donné que dalle. Et à la fin de l'histoire, attends, tu vas pas me croire, c'est moi qui trinque la tête sur le zinc. Alors merci à toi pour rien, et puis merci à moi pour tout. Je ne pense pas qu'un jour je retomberai en amour. L'amour, ça m'emmerde. J'ai le consentiment et je l'approuve, mais dans ma tête, c'est bien bête, mais je perds toujours avant d'avoir commencé. J'ai le Saint-Valentin et j'ai le cafard quand je pense à mon histoire, et j'ai le cœur à zéro en partance pour le paradis où les mots sont égaux. Alors merci à toi pour rien, et puis merci à moi pour tout. Je ne pense pas qu'un jour je retomberai en amour. Moi, l'amour, ça me répulse. Je te tolère et te suppose, mais si c'est pour souffrir, je préfère prendre une pause. Je te réfute et t'exclus, de ma tête tu n'es plus qu'une inconnue. Et quitte à ce que je te regrette, je préfère être en paix et ne rien désirer. Alors merci à toi pour ce que tu ne m'as pas apporté. Je ne veux pas un jour retomber en amour. Et si je suis aussi triste aujourd'hui, je le sais, c'est sans surprise. Je retomberai un jour sous l'emprise d'un amour qui propulse, qui chérit, qui abat, qui consume, qui massacre, qui terrasse, qui renverse, qui détruit. Moi l'amour, moi l'amour, moi l'amour, moi l'amour, moi l'amour. Moi l'amour, ça m'ennuie. Ça me tue, ça me fauche, ça me fâche, ça me taise, ça m'oxyde, ça me fait mal.